Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. L'émission va commencer. L'émission Le Manège, et je vous passe Ike. Okay. Bonjour mes chers auditeurs, je vous remercie de votre patience infinie puisque nous avons donc fait une émission un peu exceptionnelle en voulant que les auditeurs soient déjà dans un registre qui s'approche du film, qui a un sujet grave, à savoir l'euthanasie, la mort... peut-être pas désiré, mais la mort dans la dignité, mourir dans la dignité. Et donc, ma première question à toutes les deux, que je vous présente maintenant. Alors, il y a d'abord Annick Rodolfi, qui est la réalisatrice du film. Et bonjour, elle nous dit bonjour. Et je, vous... oui, et je passe la parole à... Annick Hurst, qui est la chef monteuse du film. Bonjour. Et nous allons donc parler, dialoguer, si c'est possible. Je vous rappelle que vous pouvez toujours appeler la radio au 01 43 71 89 40. Bien. Alors, le sujet euthanasie est peut-être pas tout le sujet, c'est peut-être qu'une approche de ce sujet, parce que nous allons toutes et tous affronter la mort et les tables tournantes. Aujourd'hui, à Radio Libertaire, il y a des tables tournantes. C'est encore un mauvais coup des camarades. Alors, quand on réfléchit un peu, il y a quand même, sur la terre entière, que ce problème de la mort, ou de mourir dans la dignité, ou de mourir tout court, est traité de façon très différente. Quand on est en Orient, ça fait partie de la vie et il n'y a absolument aucun problème, paraît-il. Je mets tout ça entre guillemets. Apparemment, aucun problème pour affronter cette dernière étape parce qu'il y a déjà la foi, il y a la croyance dans un au-delà. Alors, moi qui ai déjà vu le film, je peux vous rassurer, il n'y a pas là l'étalage d'un au-delà, ni d'une apologie de la foi ou de la religion. C'est un film au-delà d'une organisation autour de ce thème. C'est un film vraiment au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. C'est un film qui vous remue les tripes et c'est un film qui essaye de donner l'information la plus complète tout en n'étant pas un film documentaire, la personne, le nom, l'information brute. C'est un film très, très recherché, riche et qui ouvre des pistes. Alors, est-ce que c'est cela que vous vouliez, Annick Rodolfi? Oui, tout à fait. L'idée de ce film, qui est assez ancienne d'ailleurs, elle remonte à 2005. C'était Hervé Guérin, le conseiller de programme de France 5, qui s'occupe de tout ce qui est santé, sciences, environnement, qui m'avait demandé de réfléchir à ce sujet. En 2005, c'est le moment où... c'est l'année du vote de la loi Leonetti, donc la loi qui inscrit le non-acharnement thérapeutique. Donc c'était suite à l'affaire Humbert, hein, Vincent Humbert. C'était un jeune homme qui avait un accident de voiture. Oui, rappelez-nous ce cas, c'est important. Oui, c'est parce qu'en fait, en France, le débat sur l'euthanasie évolue par à coup médiatique, en fonction d'histoires graves et médiatisées. Donc il est toujours très passionnel et toujours lié à des histoires assez singulières, alors qu'on s'aperçoit... Donc cette loi Leonetti a simplement été promulguée ou votée parce qu'il y avait un cas. Voilà, disons qu'il y avait un cas, en même temps, il faut dire que le débat sur l'euthanasie émerge dans les années 70, en fait, hein, c'est-à-dire dans un contexte d'une peur de mal mourir, d'une peur de mourir branché, au moment où la médecine atteint un degré de technicité tel qu'on peut nous maintenir en vie très très longtemps. Donc, commence à s'élever des inquiétudes dans la société. D'ailleurs, une amie allemande m'a rappelé comme... c'est effectivement étrange que quand j'entends soins palliatifs, qu'est-ce que je vois ? Je vois une personne malade accrochée à d'innombrables fils dans un étage qui est probablement le dernier de sa vie. Et c'est pas du tout comme ça perçu dans d'autres pays. Tout au contraire, c'est... il y a Wiseman qui a fait un film admirable sur mourir. Et qu'est-ce que c'est mourir ? Et il est dans un hôpital de pointe où il se réunit en permanence avec les infirmières, avec les médecins. Et il voit chaque cas, il tient compte de la, du désir de la famille de ne pas expédier les cas. Il est absolument là proche de tout et il enregistre tout. Il ne veut pas que les autres pour faire des commentaires ou lui parlent en tant que caméra enregistreuse. Il est vraiment là pour nous dire, voyez, ce n'est pas... on ne parle pas autour du pot, on vous dit exactement qu'est-ce qui va vous arriver et vous pouvez exiger d'être débranché. Et ça, c'est il y a longtemps, il a au moins 20 ans maintenant. Oui. Et donc, effectivement, cette question de la peur de l'acharnement thérapeutique a été le terreau, en fait, de ce débat sur l'euthanasie. Oui. Et on peut dire qu'en fait, dès 1995, on a une première réponse avec le code de déontologie des médecins qui inscrit le non-acharnement thérapeutique dans leurs bonnes pratiques. Ça faisait bien longtemps déjà que les médecins, d'ailleurs, dans le film des médecins en parlent. Entre cet non-acharnement thérapeutique et l'euthanasie. La loi Leonetti. Alors, l'euthanasie. Oui, alors c'est une très bonne question, effectivement, qui mérite d'être rappelée, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce film. Pendant longtemps, il y a eu une sorte de confusion dans les termes, et d'ailleurs, on a parlé jusqu'à 2005, donc jusqu'à la loi Leonetti, d'euthanasie passive et d'euthanasie active. Alors on entendait à l'époque euthanasie passive, c'était le fait de provoquer la mort de quelqu'un, mais en arrêtant le traitement. Aujourd'hui, on ne l'appelle plus euthanasie passive, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle du non-acharnement thérapeutique, donc c'est l'arrêt de traitement. Donc ça, la loi Leonetti, finalement s'appuyant sur ce que faisaient déjà les médecins avec le code de déontologie et avec ce que disait la loi Kouchner de 2002 sur le droit des patients, à savoir que le patient doit être écouté, respecté dans ses choix. La loi Leonetti entérine, encadre les choses clairement pour ce qui concerne la fin de vie, et particulièrement en réanimation, mais pas seulement en réanimation. Donc elle inscrit le non-acharnement thérapeutique, qui est le droit pour tout patient de refuser un traitement. Alors il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où le patient peut s'exprimer. Donc là, c'est assez clair. S'il estime et s'il peut, comme c'était le cas de Vincent Humbert, il pouvait s'exprimer. Il avait écrit d'ailleurs au président de la République de l'époque. Il avait demandé à ce qu'on l'aide à mourir. À l'époque, on parlait d'euthanasie. En réalité, Vincent Humbert, si la loi Leonetti avait existé au moment où il faisait cette demande, il aurait pu en bénéficier. Voilà. Donc c'était une réponse à la situation d'acharnement thérapeutique dans laquelle vivait Vincent Humbert. Cette loi, en revanche, ne parle pas d'euthanasie et elle exclut ce qu'est l'euthanasie, c'est-à-dire l'euthanasie aujourd'hui, c'est l'acte volontaire et à la demande de la personne, ça c'est très important, c'est la personne qui demande, c'est l'acte de mettre fin à la vie de cette personne par un acte concret qui est soit une injection d'un produit létal, soit l'absorption d'un produit létal. Donc c'est vraiment très différent, donc on ne dit plus euthanasie active, c'est l'euthanasie. L'absorption d'un produit létal, est-ce que ça avait... est-ce que ça a été décidé en même temps ou en supprimer la peine de mort par chaise électrique, etc., et qu'on passait à l'injection létale comme, disons, une forme plus ou moins inhumaine de l'exécution. Oui, mais c'est un autre débat. Hein. On peut pas les rapprocher. Hein. Pour que nos auditeurs puissent réfléchir sur toute cette matière dense qu'on leur a apportée, je vous rappelle que nous sommes donc à l'écoute de Radio Libertaire 89.4 et Anne continue d'être au Rennes de la musique et de nous mettre pas du hard rock pour qu'on puisse continuer à réfléchir dans cette direction. Je voudrais que Annick me dise quel morceau je mets. On va mettre le morceau 1 qui est le générique de début du film, comme ça vous rentrez un petit peu dans l'univers sonore du film. Okay. Merci. Thank you. Radio Libertaire 89.4, radio de la Fédération anarchiste. Nous venons d'écouter donc la bande originale du film, Le Dernier Choix. Et c'était le générique et la musique est de Yuka Okazaki. À vous. Oui, alors je voulais dire que j'ai un grand plaisir d'abord à être reçue chez vous. Déjà, je voulais vous remercier Radio Libertaire et Eike Hurst de nous recevoir. Et j'ai un grand plaisir de pouvoir réécouter la musique dans ce contexte en tant qu'œuvre à part entière. Parce que quand on utilise la musique dans le film, on l'intègre telle qu'on l'a montée, telle qu'elle sert pour une émotion, pour raconter une histoire. Et là, de réécouter cette musique, un grand merci encore à Yuka, qui est une musicienne hors pair. Et c'est fabuleux de réécouter ces morceaux en entier avec une telle évolution. Voilà, je voulais... Alors, pour le choix de ces musiques, vous vous êtes entendu comment? Je pose une question donc à Annick Hurst, chef monteuse du film. Et je sais que les sons, la bande sonore, les musiques, c'est une de ses fiertés sur tous les films qu'elle monte. Alors, qu'elle nous parle un peu de cette alchimie. Cette musique, en tout cas, sur le film d'Annick Rudolphy, Le Dernier Choix, la musique est vraiment venue en amont du montage, ce qui n'est pas très courant et ce qui était très agréable au montage pour nous, parce que Annick avait rencontré Yuka, avait aimé la musique qu'elle fait, et donc on a eu au moment où j'abordais où on a commencé le montage et où on avait déjà vu les rushs, on a pu avoir à peu près une trentaine de morceaux en fait de Yuka, et on s'est plongé comme les rushs, c'est-à-dire comme nos personnages qu'on avait entendus, on a pu se plonger petit à petit dans les morceaux et trouver pour chaque personnage qu'on avait dans le film leur musique. Donc ça, il y avait un côté un peu Pierre et le Loup, pour chaque situation, chaque personnage, trouver la musique spécifique pour donner justement, accrocher pour chaque personnage une émotion. Donc ça, c'était un travail qu'on a fait en parallèle du montage tout le temps, quoi. Et quand on a la musique, quand on est monteuse et quand on a déjà la musique, c'est un grand plaisir de monter en musique. Oui. Et alors, il faut rappeler qu'il y a certains morceaux qui existaient déjà, que Yuka nous avait amenés parce qu'elle pensait que c'était dans le ton qui pourrait convenir, et des morceaux qu'elle a créés en fonction, il y avait vraiment un échange en fonction des images qu'elle voyait, de ce qu'on lui racontait. Elle est venue plusieurs fois au montage, et ça, c'était vraiment agréable aussi. Donc, ça fait une triple approche, la musicienne, la monteuse, la réalisatrice, et tout le monde travaille... Et donc, l'image, une fois qu'on est au montage, elle est tournée. Quoi qu'il arrive, on tourne des choses après, mais là, ce n'était pas le cas. Et n'oublions pas l'image, oui, Philippe Roussy. Disons au moins le nom du chef opérateur. Philippe Roussy, un ami de longue date, un excellent chef opérateur qui travaille beaucoup en fiction comme en documentaire, tout comme Annick Hurst. Je suis un petit peu la seule dans l'équipe à ne faire que du documentaire. Et je pense que ça se sent, tout comme ça se sent dans le montage, ça se sent aussi dans l'image, que c'est quelqu'un qui a une approche avec son imaginaire, avec sa sensibilité, une vraie réflexion sur l'image, une vraie réflexion de comment filmer les choses. Ce qui est quand même très important quand on fait un film sur un sujet aussi complexe, parce que c'est une question qu'on s'est tous posés, à l'écriture, au tournage, au montage, de comment on aborde ça, comment on l'aborde par la réflexion, par le raisonnement, mais comment on l'aborde aussi par notre position. Évidemment, des enjeux, c'était de ne pas être dans une forme de voyeurisme, de ne pas être que dans l'émotion, mais de pouvoir concilier la réflexion et l'émotion, de pouvoir trouver en fait la bonne distance pour parler de tout ça. Oui, et pas... tomber dans cette caricature de la mort avec le squelette avec la faux sous la main et quand même en toucher un bout, approcher On est confronté quand on rencontre des personnes qui se posent la question de leur propre mort, qu'on peut tous se poser évidemment, mais qu'on se pose rarement, sauf quand on y est directement confronté. On a forcément une forme de dureté, d'angoisse qui se révèle à ce moment-là. Donc, dès le début, c'est vrai qu'on a réfléchi à tout ça. Et alors, quelque chose que je voulais dire qui est important, on a fait le choix de commencer le film et d'articuler le film par une réflexion éthique. Et notamment par un cours de bioéthique qui est mené... donc, c'est un vrai cours de bioéthique qu'on a filmé. Excusez-moi, il n'a pas été joué pour la caméra. Et c'est Dominique Lossignol, donc, qui est un oncologue belge, qui le donne à des étudiants en médecine. L'oncologie, l'oncologue, c'est un médecin qui est spécialisé dans le cancer et qui s'occupe de ces personnes donc, atteintes de pathologies lourdes. Voilà, et donc à travers ce cours de bioéthique qui nous a beaucoup touchés, qui nous a permis nous aussi d'avancer, parce que ce film a duré quand même 1 an et demi, un peu plus quand on pense à l'écriture, mais on progresse dans la réflexion, hein. On ne vient pas avec des idées préconçues, on en a, mais parfois elles éclatent, ou au contraire elles se confirment, il y a des choses qui émergent. Et ce cours de bioéthique a été vraiment quand même une certaine révélation, et... encore plus au montage, on s'est dit qu'il allait permettre d'articuler un certain nombre de choses essentielles. Je le souligne parce qu'on ne voulait pas, et ça c'était dès le début une demande aussi d'Hervé Guérin, on ne voulait pas être alors, comme Guérin, souvent c'est Hervé le Guérin. Donc c'est le producteur de TV5. C'est le conseiller de programme de France 5. On ne voulait pas... Qui a réussi à faire passer votre projet. Oui. C'était pas... Oui, il s'est battu. C'était pas de la tarte. Non, c'était pas de la tarte. Comme il le rappelait, c'est un sujet éminemment anxiogène dès qu'on parle de la mort. Et donc, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Et donc, il s'est battu pendant 5 ans pour faire passer ce projet. Donc, il a finalement emporté la partie. On a pu le mener à bien. Donc là, ça a duré aussi un certain temps. Et... une des préoccupations fondamentales était de ne pas être dans la caricature et dans l'émotion et dans le pathos et toujours dans le tumulte médiatique autour d'une histoire. Il y a eu Vincent Humbert et puis après il y a eu l'histoire de Chantal Sébir, dont je pense les auditeurs se rappellent tous, cette dame qui avait un cancer des sinus effroyable et le visage déformé. Donc effectivement... on ne peut que comprendre sa souffrance ou l'imaginer et comprendre sa demande aussi. Mais on voulait sortir d'une approche purement émotionnelle et aborder les choses avec un petit peu plus de recul, même si évidemment de l'émotion il y en a et c'est bien normal. Et la vie est faite d'émotions. Et donc on commence par le cours de bioéthique et par une question quand même fondamentale qui est la question du geste. Hein. Et c'est une question fondamentale pour le médecin. Donc c'est important que ce soit un médecin qui aborde ces questions d'éthique-là. C'est-à-dire l'euthanasie, c'est quand même l'acte de donner la mort. Donc certains vont l'appeler tuer, d'autres vont réfuter le terme de tuer. Ça se comprend aussi parce que tuer, c'est aussi donner la mort avec violence. Or, l'euthanasie, c'est... alléger les souffrances de quelqu'un à sa demande. Donc, ce n'est pas non plus une violence. On peut se poser la question d'où est la violence? Est-ce que la violence, elle n'est pas plutôt dans l'agonie? Donc, tout ça, c'est des questions fondamentales qui sont posées dès le début du film. Et je crois que c'est très important parce qu'on a souvent un débat passionné en France, idéologiquement très marqué, entre les pour et les contre, avec des arguments qui peuvent s'entendre d'un côté et de l'autre, autour de la dignité. Qu'est-ce que la dignité? On en parlera peut-être plus tard. La liberté, qu'est-ce qui vient d'abord? La dignité, la liberté, etc. Mais une première question, à mon avis, fondamentale, déjà, c'est de savoir de quoi on parle et quels sont... les fondements de nos choix. Et c'est quand même ça l'éthique. L'éthique, elle étudie les fondements de la morale. Donc il y a la morale, d'un côté, la morale c'est l'ensemble des règles données dans une société, les règles du bien vivre ensemble. Et l'éthique, elle étudie les fondements de cette morale. Donc elle n'est pas placée, elle se place dans la contemporanéité et pas simplement dans l'histoire d'un individu ou d'une culture ou d'un peuple, mais elle essaye d'étudier... qu'est-ce qui est le mieux à un moment donné pour les personnes dans notre histoire d'aujourd'hui? Donc dans notre histoire d'aujourd'hui où la médecine est parfois impuissante face à certaines maladies, peut-être qu'un jour elle ne le sera plus, mais pour l'instant elle l'est. Donc dans des situations où la médecine est impuissante, et c'est bien de ces situations-là dont on parle quand on parle d'euthanasie, à la demande d'une personne qui souffre et qui souhaite pour elle, pour des questions de liberté, pour des questions de dignité qui lui sont propres, hein, que doit faire le médecin en face. Donc c'est, ça, c'est la question fondamentale. Voilà. Oui, alors, puisque Annick Reloche, vous parlez de la question fondamentale, je voudrais venir au film, parce que je trouve que cette question fondamentale inaugure votre film d'une façon magistrale. Et c'est pas, je me demande si c'est pas ça que j'ai le plus aimé dans ce film, que une personne, à la limite comme vous et moi, s'adresse directement à nous et émerge de son quotidien grâce à ce regard que vous lui accordez. Et je trouvais ça absolument admirable. Alors là, je voudrais votre autorisation. Est-ce que je dois décrire ce que vous montrez ou est-ce que je dois le laisser à découvrir? Parce que, petite parenthèse, ce film, évidemment, vous ne le trouverez pas dans les Pariscopes, ni dans d'autres programmes de la semaine. Il s'agit d'un film produit finalement, même avec réticence, mais produit par la télévision. Ça passe donc sur TV5. France 5. Hein? France 5. France 5. Alors, il ne faut pas faire l'erreur, il ne faut pas chercher ailleurs. France 5, le 4 décembre, à 20h. 35. À 20h35. Alors, je le note, je le redirai plusieurs fois. Et sera suivi d'un débat dont je peux dire aujourd'hui, on connaît les invités. Il y aura Denis Labeyle, qui est un des médecins que l'on voit dans le film. Il y aura également Bernard Devalois, qui n'est pas dans le film, qui est également médecin. Jean Leonetti sera là, donc l'auteur de la loi actuelle. Et Noël Châtelet, qui a écrit un livre sur sa mère, qui avait fait le choix de partir librement. Oui, donc ça, on doit le rappeler aux auditeurs, disons, le plus souvent possible. Vous êtes chaque fois qu'on annonce une musique. Après cette description incomplète, parce que je vais quand même le dire, parce que c'est trop magnifique. Donc cette femme qui nous parle avec, comment dire, avec un amour pour la vie, avec un amour pour les proches qui l'entourent, avec beaucoup de reconnaissance pour le personnel soignant. En fait, elle peut ni se lever toute seule, ni se laver toute seule, ni marcher toute seule. Et tel que vous la filmez, et merci à votre chef opérateur d'avoir fait ça si délicatement, et merci à Annick, la chef monteuse, d'avoir transmis quelque chose aussi fort sur... Oui, c'est ça. C'est ça, être malade. Comme il n'y a que ciné pour faire des blagues là-dessus, pour dire mourir plutôt crever. Mais là, on est vraiment dans le vif du sujet. Et je ne peux dire que... Je trouve ce début absolument admirable. Et d'ailleurs, le film, sans y manquer jamais, enfin, il est toujours, il tient cette côte très élevée, parce que c'est un choix éthique, quand même, de nous montrer ça comme ça. Et de nous laisser même le doute, hein, le bénéfice du doute. Alors, je voulais quand même demander, quand vous mangez une séquence comme ça, vous décidez ensemble, comment vous la mangez, Annick? Bah, on décide toujours ensemble. On s'appelle Dupont et Dupont parce qu'on s'appelle Annick. On décide toujours ensemble. Mais cette séquence particulière, donc on parle du personnage que j'appellerai Betty et qui... Oui, elle a un nom. Oui, elle a un nom, cette dame. Elle s'appelle Betty. Et en fait, c'était évident qu'elle allait être au début du film. Mais ça a été très compliqué pour nous parce que c'était un témoignage très poignant qui était très long. Et donc, on a commencé le montage. On a avancé dans le film. Et on revenait à Betty par petites touches. comme si on savait qu'on avait rendez-vous avec elle et que bah, chaque jour qui passait nous donnait en fait le sens de ce qu'on allait laisser d'elle. Et puis un jour, bah, son portrait était terminé. Mais il est vraiment apparu par touches successives. Et je pense que c'est même le portrait qui a mis le plus longtemps à se faire, mais sur une durée. Ça, on a fait des allers-retours en fait avec Betty, parce que c'était vraiment fondamental que justement on ressente cette vie, malgré le fait que voilà, elle a demandé et elle a obtenu. Elle est partie selon son choix et donc c'était quand même le... pour moi, en fait, le film est dédié à cette femme, est dédié à ce courage et à cette... et en même temps à cet amour de la vie. C'est quelqu'un qui n'a jamais bougé là-dessus. Je crois que c'est vraiment quelqu'un qui est morte en vie. Enfin, c'est vraiment ce sentiment que j'ai avec elle. Eh bien, c'est une magnifique reconnaissance pour votre travail. Vous le ressentez comme ça aussi, Annick Rodolfi? Comment ça? Je n'ai pas compris le sens de votre question. Vous le ressentez pareil comme Annick? Oui, concernant Elisabeth, qu'on appelle oui. Betty. Betty, oui, tout à fait, tout à fait. Betty, c'était... Betty, je peux... disons que déjà quand on l'a filmée, on savait qu'elle allait partir. Elle avait fixé une date, une semaine après. Donc ça a été certainement le tournage le plus difficile qu'on ait eu à faire, et d'ailleurs qui a été fait très en amont du reste du tournage, parce qu'il y avait une date qu'elle avait fixée, qui était quasiment la date anniversaire de l'accident de voiture qui l'avait mis dans une situation de handicap terrible, hein, qui ne l'a pas empêché de mener toute sa vie. Elle avait eu un accident de voiture, ça on ne le raconte pas dans le film, parce qu'on ne peut pas tout raconter dans le film. Donc, et ça ne rajoute rien. Ça ne rajoute rien, voilà. Mais elle avait eu un accident de voiture et elle a vécu toute sa vie tétraplégique, mais... elle a vécu une vie heureuse, comme elle le dit. Elle s'est beaucoup battue. Elle s'est notamment beaucoup battue pour les personnes handicapées, pour le transport des personnes handicapées. Et sur la fin de sa vie, son corps commençait à se rebeller. Elle avait de plus en plus de problèmes. Et à un moment, elle a refusé, en fait, une énième poche, un énième traitement. Elle ne pouvait pas continuer sans. Elle souffrait beaucoup, tout autant physiquement que psychiquement. Et donc, elle a fait le choix de partir. Et donc, elle est partie. Et donc, c'était compliqué pour nous de savoir comment on allait raconter ça. C'est l'interview la plus longue que j'ai jamais faite. 2 heures d'interview. C'est quelqu'un qui parlait beaucoup, qui avait besoin de raconter beaucoup, ce qui était normal. C'était peu avant de mourir. Et c'était très compliqué au montage de se dire comment on allait pouvoir raconter ça dans le temps qui nous est imparti, donc avec les contraintes qu'on a. Et donc, quelque part, ça s'est fait grâce à Annick, l'autre du Pontet. Ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire qu'on savait où était sa place dans le film, hein, et on continuait à créer l'architecture du film, du raisonnement. Et petit à petit, de temps en temps, on y revenait. Et c'était évident, en fait, ce qu'elle avait à dire, ce qu'elle avait à transmettre, ressortait de façon évidente. Tout ce qui était de l'ordre du détail s'en allait de soi, en fait. Ça a été très étrange, une expérience de montage complètement nouvelle. Oui, donc je l'ai ressenti exactement comme Annick. C'est Annick qui a trouvé la solution, hein, vraiment... les chefs monteuses et les chefs monteurs sont là pour ça, pour trouver des solutions, tout comme les chefs opérateurs. Et elle n'en a pas trouvé qu'une, elle a trouvé plein de solutions, mais notamment celle-là. Et chapeau. Bien, alors nous sommes à Radio Libertaire et je vous rappelle que ce film-là, il ne passera pas au cinéma, alors qu'il faudrait qu'on s'organise toutes et tous pour que ça se fasse quand même, un jour. Alors... vous avez une projection à... je crois que... France 5, oui. Donc le mardi 4 décembre, mardi prochain. France 5, 20h35. Donc c'est en deux épisodes. Ça aurait pu être un film de deux heures, mais on a des contraintes télévisuelles de 52 minutes. On a obtenu une petite dérogation sur la durée, donc on fait 60 minutes deux fois. Les deux films seront diffusés d'affilée. C'est dans le cadre d'une émission qui s'appelle Le Monde en Face, animée par Carole Kessler. Et donc il y aura un débat après, ce qui est très intéressant, qui sera en direct. Donc c'est la surprise pour tout le monde. Voilà. Et je veux bien préciser que le premier, en fait, concerne exclusivement la France et l'explication de la loi Leonetti et tout ce qui va autour. Et le deuxième film concerne, en fait, les pays qui ont légiféré, qui sont la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas. Enfin, et aussi Luxembourg. Mais en tout cas, là, on va se balader en Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas, dans la deuxième partie du film. Bien, alors quelle musique vous allez passer? La musique de Betty, on va passer la musique de Betty. La musique de Betty. Donc c'est le deuxième morceau. Et je rappelle qu'on peut nous joindre pendant la pause musicale au 01 43 71 89 40. Yeah. Radio Libertaire 89.4, radio de la Fédération anarchiste, dans l'émission Le Manège. Nous venons d'écouter le morceau intitulé Betty plus manifeste, et c'est tiré du film, de la bande originale du film Le Dernier Choix, film de Annick Radolfi et musique de Yuka Okazaki. Oui, donc il faudra vraiment retenir le nom, parce que c'est époustouflant, c'est merveilleux, c'est apaisant. Oui, alors j'ai un peu regardé dans mes souvenirs de cinéma quelles étaient les choses qui m'avaient frappé par rapport à la mort, celle que j'ai exprimée. Alors il y a Alain René, qui est un grand spécialiste pour moi de cette question. Et oublions un peu le tapage autour d'amour, même si c'est un grand film d'amour et les gens peuvent voir ce qu'ils veulent, donc peut-être ils verront un film sur la mort. René a toujours fait des films où cette fin de vie avait une place prépondérante. Et il n'a pas eu peur de mettre ça en scène avec un certain kitsch, avec une certaine application. On voyait le passage sur le rive de la mort, où il y avait même la barque, etc. Et il y a ce film étonnant où il figure ça avec des plans de neige. Hein, comme fait une télé qui se meurt, il n'y a plus rien, il n'y a que la neige. Et c'est un des films qu'il a fait là avec son quatuor, qui n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas de faire des films avec Azéma, avec c'est Dussolier, oui, c'est médecin, j'allais dire. C'est médecin préféré. Là, dans un des films qui s'appelle, je crois, À la vie, à la mort, non, À la vie, à la mort, c'est Guédiguian, il y a Sabine Azéma qui dit je veux vivre, mais je ne veux pas vivre sans lui. Parce que les amis lui disent, mais tu es toute jeune, pourquoi tu t'obstines? Parce qu'elle le rejoint absolument dans la mort, et même plusieurs fois dans le film. Et ben oui, je veux vivre, mais je ne veux pas de cette vie où il n'y aura plus, où il ne sera plus là. Et donc c'est le grand amour entre deux personnes qui ne peut se vivre que dans la vie. Et puis, où est-ce que c'est un point de vue de femme? Je ne sais pas. Je me suis demandé longtemps et je n'ai pas encore fini de réfléchir. Alors, il y a aussi une position un peu plus générale. Quand on voit tous les films sur l'époque où le groupe Baader-Meinhof était jugé très sévèrement en France et encore plus sévèrement en Allemagne, où il y avait un procureur d'une cour allemande qui a dit une chose intelligente après le suicide non assisté. Ulrike Meinhof, que même les gens mettaient en cause pour des spéculations politiques. Et il a dit, est-ce que ce n'est pas le seul choix qui reste à une personne humaine quand il n'y a plus rien, quand c'est complètement perdu, comment échapper à la mort programmée par un État qui a décidé de vous éliminer déjà? Et je trouve que c'est beaucoup mieux de réfléchir dans cette direction que de faire des grandes déclarations de détestation du groupe, etc., etc. Ou prenons les Japonais. Alors les Japonais, la question est faussée tout le temps par le fait qu'on croit qu'on va revenir avec une vie éternelle. Mais tous les rituels sont des rituels où il y a l'amour, où il y a la croyance la plus absolue que cette question n'est pas résolue avec la fin de vie. Et que d'où d'ailleurs cette acceptation théoriquement assez facile du seppuku, enfin de se tuer soi-même, mais avec une assistance pour la bravoure de la personne. Mais tout ça est dit, et comme dit Wakamatsu, encore un de mes Japonais préférés, et il a été renversé, il faut s'imaginer ça. un des plus grands cinéastes encore vivants, renversé par un scooter dans une rue de je sais pas quoi. Et lui, il disait que toute cette idéologie japonaise était une idéologie parce que qu'elle a pu trouver sa place, parce que les Japonais n'ont jamais réfléchi, qu'ils étaient les hommes les plus anti-femmes du continent. Qu'ils étaient les hommes qui ne supportaient pas que les femmes soient des êtres exceptionnels. Et c'est vrai, quand on revoit tous les films de Wakamatsu, on le voit comme une explication de cette affirmation quand même assez étonnante. Et quand on cherche toujours dans d'autres directions, je crois que c'est le cinéma japonais qui est le plus efficace là, dans cette direction, de réfléchir. Alors, ce qui est très drôle, j'ai un peu fouillé dans les définitions, enfin, Thanatos, qui serait la fille de la nuit et la sœur du sommeil, c'est quand même très joli. Et donc, qui a là comme que le dieu de la mort, c'est aussi un père de la race. Pour les Gaulois, par exemple. Non, c'est très très étonnant, mais ça nous emmène trop loin. Alors, quels sont les sujets, Annick Rudolphi, qui vous passionnent encore après ce film passionnant ? Réalisé vraiment avec un sens du cadre, de l'image. Donc je remercie encore une fois Philippe Roussy, la chef monteuse Annick Hurst, et puis surtout l'appui de Hervé Guérin, qui a fait passer ce film au sujet très lourd, pas une comédie légère, mais en tous les cas à quelque chose de... Alors, mes illustres co-habitantes de la table qui tourne. Qu'est-ce qui nous passionne encore ? On est tenté à la fois après un sujet, après avoir abordé un sujet pareil, il y a deux choses. Il y a une tentation de toute autre chose, une tentation de légèreté et en même temps une tentation contradictoire, presque de creuser encore dans cette direction-là. Je pense notamment à des choses qu'on aurait voulu aborder dans ce film. Qui n'y sont pas, qui ont même, qui ont été parfois de façon embryonnaire, et puis on sentait que c'était pas possible parce que c'est aussi le montage, c'est la grande étape du renoncement. Et dites-moi quelque chose là-dessus, parce que est-ce que c'était pas le plus difficile d'abandonner tous ces passages où vous aviez fait des interviews, des entretiens auxquels vous tenez? Est-ce que c'était pas ça le plus dur de trier dans... Alors, trier, c'est toujours très dur. Le montage est là pour ça. Donc, c'est toujours... Mais c'est là aussi qu'on fait ressortir tout à la fois l'essence des choses et puis où on trouve une architecture cohérente. Je pense que, de toute façon, il n'y a jamais un seul film. Il y a toujours X films possibles en amont, en écriture, au tournage et au montage. Donc, à un moment, on arrive à un film et puis c'est celui-là, mais il aurait pu y en avoir d'autres. Non, je pensais à des sujets qu'on n'a pas abordés, que je n'ai peut-être pas développés ici, mais pour dire que c'est cette question, on n'en a jamais fait le tour. Là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de poser, en fait, de dédramatiser, de dépassionnaliser le débat qui tourne un peu en rond en France, et c'est un peu énervant, en fait, de voir toujours les gens pour, contre. On doit être pour ou contre, est-ce qu'on ne peut pas aborder les choses autrement? Et je crois aussi dire, je voulais le dire, c'est fondamental, on a le droit d'avoir ses positions, on a le droit d'avoir ses convictions, on a le droit d'avoir ses croyances, et chacun a le droit au respect de sa position, de son choix et de ses croyances. Et ça, je crois que c'est essentiel. Donc, une des choses essentielles, c'est de comprendre quels étaient finalement tous les enjeux là-dessous, d'où l'importance de l'éthique, de la réflexion éthique, et de comprendre à partir de là que chacun est légitime dans ses positions, mais il ne faut pas que la position de l'un empêche la position de l'autre, que le choix de l'un brime le choix de l'autre. Vous avez l'impression que vous pouvez peser sur le débat sur cette question de légiférer ou non. C'est pas tant peser que donner les clés, ça c'était vraiment l'ambition, donner les clés à tout un chacun, au public qui regardera ce film, de se faire sa propre opinion. C'est-à-dire que on a souvent des positions, on peut être croyant, pas croyant, on peut avoir une histoire personnelle qui fait qu'on est plutôt pour ou plutôt contre l'euthanasie, mais de comprendre, déjà de se projeter, de comprendre, c'était pour ça qu'on n'a pas fait non plus un film sur une seule histoire, de comprendre qu'il y a différentes situations dans la vie, différentes positions, et c'est important pour voir la palette, on est tous différents, on a tous nos histoires, on a tous nos problèmes et nos émotions, donc c'était donner les clés à chacun pour comprendre les enjeux, comprendre les choses qui sont sous-jacentes, comprendre par exemple des choses, ça je voulais en parler, autour de la dignité, par exemple cette fameuse histoire de dignité. Il y a deux positions a priori antagonistes qui sont de dire bah, on a tous notre dignité, même quand on pense qu'on ne l'a plus. La dignité, chaque humain a sa dignité, même en grande déchéance physique. C'est vrai, c'est absolument vrai. Et en même temps, chacun est aussi capable de définir ce qu'est la dignité pour lui. Et ça aussi, c'est vrai. La limite. Chacun a le droit de définir sa propre limite. Voilà. Donc, de comprendre que c'est pas une question, c'est pas l'enjeu du débat. Bien souvent, on essaye de focaliser les choses là-dessus, mais c'est pas ça l'enjeu du débat. L'enjeu du débat, c'est la question de la liberté du choix. Et donc, l'enjeu du débat, c'est la question du respect du choix de l'autre. Donc, là, la question après, aux législateurs et derrière ceux qui élisent les législateurs, donc à tout le monde, aux citoyens, l'enjeu c'est quelle est la meilleure formule. Est-ce qu'on ne touche à rien? Est-ce qu'on laisse faire la justice? Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a des histoires, qu'il y aura toujours des situations inextricables où il n'y aura pas d'autre solution face à la souffrance et face au désespoir. Mais est-ce que c'est à la justice de trancher ou est-ce qu'une loi permettrait d'encadrer mieux les choses. Voilà, donc nos voisins belges, suisses, néerlandais et luxembourgeois, il y a aussi également quelques États aux États-Unis qui ont fait le choix du suicide assisté, ont choisi, donc on n'a pas fait un catalogue, hein, on n'a pas traité de tout, mais voilà, il y a quand même quelques États au monde qui ont légiféré. Ils ont fait le choix d'encadrer les choses par la loi, ce qui me semble assez respectueux, et à la fois des citoyens et à la fois des médecins. Mais ça, c'est ma position à l'issue de tout ce parcours. D'autres personnes vont reconnaître qu'il y a des situations inextricables, mais préféreront que ce soit la justice qui tranche. Voilà. Donc nous, notre ambition, c'était de donner les clés à chacun pour pouvoir se faire sa propre opinion, finalement. Et ne pas être prise en otage par des mots, des grands mots qu'on clame, la dignité, etc., sans savoir vraiment de quoi on parle. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'enjeu. Et sinon, pour en revenir à ce que je commençais à aborder tout à l'heure, il y avait d'autres questions. C'est un sujet et sans fin presque, parce que, par exemple, qu'en est-il des nouveau-nés en grande souffrance, dont on sait qu'ils sont condamnés par avance? On sait très bien qu'il existe, y compris dans les pays. En fait, il n'y a aucun pays qui autorise l'euthanasie des nouveau-nés, sauf aux Pays-Bas, où il y a un protocole. La loi des Pays-Bas sur l'euthanasie, déjà, s'adresse aux mineurs à partir de l'âge de 12 ans. Et pour ce qui concerne les nouveau-nés et les tout jeunes enfants, qui seraient dans une situation vraiment de grande souffrance, condamnés avec quelques semaines, voire quelques années à vivre, mais dans une souffrance terrible, il y a un protocole qui a été établi, qui s'appelle le protocole de Groningen, qui a été élaboré par Edouard Ferragen, qui est pédiatre et juriste. Donc voilà, on voulait aborder cette question-là aussi. C'était compliqué de l'aborder en 5 minutes. Ça serait presque un film en soi. On sait très bien que ça existe ailleurs, dans d'autres pays. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Il y a des médecins qui le reconnaissent, des pédiatres qui le reconnaissent. Il y a aussi des questions de non-acharnement thérapeutique qui se posent, d'arrêter des traitements. Donc c'est compliqué parce que là, évidemment, le tout jeune enfant, il n'est même pas conscient de ce qui lui arrive. Donc c'est pas lui qui peut décider. C'est pas la volonté de la personne qui la sombre. Mais la souffrance, il la ressent. Mais la souffrance, il la ressent. Et ça, c'est quelque chose. On n'a pas besoin d'avoir de mots pour le savoir. Les médecins sont tout à fait capables de voir quand un enfant est en souffrance. Donc voilà, ça c'est une question qu'on n'a pas pu aborder. Il y a la question aussi du coma ou des comas, parce qu'il n'y a pas un seul coma, il y a plusieurs états de coma. On a découvert il y a une dizaine d'années un état de coma intermédiaire où on est réceptif à certaines informations de l'environnement, donc avec plus de chances de sortie du coma. Donc là aussi, le coma est-il réversible, irréversible? Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est dans le coma depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans? Là, il y a aussi, c'est voilà, très intéressant, c'est un film qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle La Belle Endormie de Pellocchio. Et dans La Belle Endormie de Bellocchio, il y a effectivement le cas de cette femme en Italie, Eluana Englaro, qui a complètement divisé les ultra-orthodoxes croyants, enfin les croyants ultra-orthodoxes, alors qu'elle a eu un père admirable qui s'est battu pendant 20 ans pour qu'on abrège ses souffrances. Et le père a réussi dans un pays ultra-catholique. Il a failli se faire lapider dans la rue. Enfin, c'est extraordinaire, cette histoire. C'est une histoire tout à fait dans un pays, quand même l'Italie, où le non-acharnement thérapeutique, c'est déjà pour eux de l'euthanasie. Et les médecins, et dans le cas de Eluana Englaro, l'équipe médicale et la famille étaient d'accord. Parce que malheureusement, il y a des histoires où l'un, soit le corps médical, soit la famille n'est pas d'accord. Donc là, ça devient complexe. Mais là, tout le monde était d'accord. Mais il y a eu une levée de bouclier, effectivement, du pouvoir religieux. Une tentative, d'ailleurs, de faire voter une loi au moment où il débranchait Eluana Englaro, de faire voter une loi, il y a eu vraiment une course contre la montre pour interdire le non-acharnement thérapeutique. Oui, donc c'était. Débranchée. Ouais, c'était. Ils ont. Voilà, elle est partie en 3 jours. Ce qui me rappelle le propos d'une personne qu'on a filmée, la femme de Patrick Coffel, Chantal Coffel, dans ce film. On parle de ça aussi, de l'acharnement thérapeutique, du non-acharnement thérapeutique, parce qu'il faut quand même savoir que la loi Leonetti est très mal connue et donc très mal appliquée, qu'il y a certains médecins qui considèrent que c'est déjà du meurtre, que débrancher quelqu'un, même à sa demande, c'est du meurtre. Donc elle a du mal à passer, même jusqu'à ce point-là, ça a du mal à passer parfois dans un pays, une culture parfois très paternaliste. Hein. Mmh. Et Chantal Coffel qui disait, parce que ça a été très laborieux et long, l'agonie de son mari, et qui disait « j'aurais souhaité que ça se passe en 3 jours, comme pour Eluana Englaro, quelque chose d'acceptable ». Voilà. Ça a été plus compliqué, mais ça, pour les auditeurs qui verront le film, ils auront l'explication. Oui, je vous rappellerai tout ça quand le film sortira. Bien, alors, on arrive petit à petit, à la fin de cette émission tout à fait exceptionnelle. Je crois qu'on n'a jamais encore eu un sujet aussi fort, aussi grave, qui était aussi bien traité dans un film quand même de 2 heures, c'est ça ? 2 heures, 120 minutes. 2 épisodes de 60 minutes. Alors, quelle est une musique réconciliante avec tous ces propos ? Alors, j'irai à la plage 11... à 0,50 et 50 secondes. On va essayer de tirer ça. 11 à 0,50, et on est dans les polders aux Pays-Bas. Continuez à parler un tout petit peu. Alors, continuons. Non, c'est bon. Le temps d'arriver à. Là, je dois à peu près y être. Hein. Thank you. Radio Libertaire 89.4, nous sommes toujours dans l'émission Le Manège. T'as oublié. Et nous venons d'écouter dans la bande originale du film Le Dernier Choix, film de Annick Radolfi avec la chef monteuse Annick Hurst et les musiques de Yuka Okazaki. Pardon. Nous venons d'écouter Mindelheim. À vous. À nous. Alors, les mots de la fin. Après, en sortant d'une telle expérience, on se sent comment ? Alors, Annick Hurst, chef monteuse. J'ai l'impression d'avoir... déjà, sur chaque film, j'ai l'impression, en documentaire, j'apprends. J'apprends des choses. Et là, sur ce film-là en particulier, je suis fière d'avoir monté ce film. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir... on ne sort pas indemne, mais j'ai l'impression d'avoir grandi. Magnifique. Alors, le mot de la fin de la réalisatrice. J'espère qu'il n'y aura pas de mot de la fin, hein, parce que certains de mes confrères qui sont déjà là me faire monter la rage à la figure. Bon. Alors, j'ai deux mots de fin pour répondre à ta question. Comme Annick, j'en sors, et comme je pense aucun d'entre nous dans l'équipe, on ne sort pas indemne des rencontres qu'on a faites, qui nous habitent. On n'oublie pas, on ne peut pas oublier ces histoires. Et il n'y a pas que Petit, de toute façon. Non, il y a beaucoup d'histoires, donc on pense à toutes ces personnes et on les garde en nous. J'en suis sortie très enrichie aussi. Et je suis heureuse d'avoir pu aborder cette question-là maintenant. C'est pas une question évidente, mais elle fait un peu peur. Jusqu'au bout, non ? Ouais. Elle fait peur. Elle m'angoissait beaucoup au début. Hein. J'étais assez inquiète sur comment j'allais pouvoir mener cette histoire, tant professionnellement que personnellement. À la santé mentale, ça touche. Ça remue, ouais. Ça remue beaucoup de choses. Voilà, donc j'en sors très très enrichie. Et alors, je voudrais vous lire une carte que j'ai reçue, qui a été écrite par Betty. Elle me l'a envoyée. Elle l'a écrite la veille de son départ, et je l'ai reçue le lendemain. Donc, elle écrit : je ne sais que te dire. Tous ceux que j'aime et qui m'aiment pleurent ou retiennent leurs larmes. J'ai presque honte d'être sereine. Je pars pour un ailleurs ou pour le néant, mais surtout je vais vers ma délivrance. Il ne faut pas être triste. Nous avons eu des moments d'échange intenses et rares. Cela ne s'oublie pas. Je t'embrasse très fort et j'espère que tu me garderas dans ton cœur. C'est signé Betty. Oui, déjà pour ça, ça valait la peine de faire le film. Ça valait la peine. Oui, nous sommes toujours à Radio Libertaire qui doit se féliciter d'avoir des invités qui abordent des problèmes aussi graves et qui les mènent à bien surtout. Donc c'est pour ça que je remercie les, peut-être pas les deux Dupont, mais en tous les cas les deux Annick. Et, donc je suis très fière d'avoir pu vous recevoir. J'espère que mes auditeurs ne se sont pas trop vite découragés, parce qu'on vous a préparé avec des musiques pour que vous entriez plus facilement dans un registre de sérénité, peut-être pas toujours évident à la radio. Bien, alors je vous donne rendez-vous à mercredi prochain. Merci Eric. Merci. Et je vous dis merci à toutes les deux. Merci à Anne qui a fait une technique musicale magnifique. Et merci à vous trois. Nous allons donc nous revoir peut-être assez vite pour que je rappelle. Oui, c'est ça qui est dommage, je ne peux pas réellement rappeler. Non, c'est la veille. Le film. La diffusion. Alors, c'est le mardi 4 décembre sur France 5 à 20h35. Et donc, ça dure 2 heures et ça sera suivi d'un débat de 40 minutes. Donc, c'est une longue soirée. Avec des grandes pointures. Et donc, merci. Merci. Et on part avec la dernière musique qui est le générique de fin. Alors, comment s'appelle ce film? On l'a dit très rarement. Le Dernier Choix. Le film s'appelle Le Dernier Choix. Le Dernier Choix avec un sous-titre. Pour le premier film, Le Dernier Choix, J'aime la vie, mon corps ne l'aime plus. Et pour le deuxième film, Le Dernier Choix, Je quitte mon corps. Film de Annick Radolfi et chef monteuse Annick Hurst et musique de Yuka Okazaki, donc une femme si j'ai bien compris. Et nous allons écouter le générique de fin du deuxième film. Et si vous voulez joindre encore les invités avant qu'elles ne nous quittent, vous pouvez appeler au 01 43 71 89 40.